الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن من أشرات الساعة وما يتقدمها انقلاب الأمور وتغير الأحوال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ألا وأعلم عباد الله أن من هذه الدعاوى الكاذبة والإشاعات الباطلة التي تناقلها الأفاكون أن الإسلام أهان المرأة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن الإسلام قد أكرم المرأة إن الله سبحانه وتعالى قد أعز شأنها أكرمها سبحانه وتعالى بنتا من يوم ولادتها وأنقذها من قتل الجاهلية وذم من يحزن إذا بشر بها قال الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة قال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين رواه البخاري في الأدب المفرد رحمه الله تعالى وقد أكرمها الله سبحانه وتعالى هذه المرأة زوجة قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف نعم وفي أكبر مجمع في يوم الحج أو في أيام الحج وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالإحسان إلى النساء فقال فاتقوا الله في النساء وفي حديث قال استوصوا بالنساء خيرا ومن أكاذيبهم الفاضحة أن الإسلام يجبر المرأة على الزواج هذا كذب وبهتان عظيم عند أبي داود رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية تنال بالإحسان إلى أهل البيت بالإحسان إلى الزوجة عند ابن ماجه كما في حديث عائشة رضي الله عنها: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ثم إن الله العظيم أعز المرأة وأكرمها أما وذكر الأولاد وذكر لأولادها ما عانت وما تحملت من حمل من وضع ومن رضاع، فقال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي القرآن في قصة عيسى ابن مريم عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فهكذا عز الله سبحانه وتعالى المرأة بنتا وزوجة وأما، بل قدمها الله سبحانه وتعالى على الوالد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. هذا، وإن الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وذكرها في القرآن وحفظها وأكرمها وأرشدها إلى ما فيه عزها وصلاحها، وعدها بالجنة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وحرم الله أذيتها، فقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حفظ الله عرضها وحرم قذفها. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والذي خلقها وحفظها وأعزها هو الذي أمرها بالحجاب في كتابه العزيز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أزكى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا في دينه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، parmi les signes précurseurs de la fin du monde et les événements qui le précéderont, le changement brusque de la situation et de l'état des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: avant l'heure, c'est-à-dire de la fin du monde, il y aura des années trompeuses. Celui qui est véridique sera démenti, on dira de lui que c'est un menteur, et celui qui est connu pour être un menteur sera taxé ou bien sera décrit comme étant véridique. Celui qui est digne de confiance, on ne sera plus digne de confiance, et celui qui est connu pour sa traîtrise sera digne de confiance auprès des gens. Tout cela nous montre le changement brusque des situations avant l'heure de la fin du monde. Et parmi les rumeurs, parmi les grands mensonges qui sont proférés à l'égard de l'islam, le fait que l'islam a humilié la femme, et fasse vivre la femme sous les pieds des hommes, voici un énorme mensonge proféré à l'égard de l'islam, duquel il est totalement innocent. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la femme de par l'islam. Il l'a honorée depuis sa naissance en tant qu'enfant, Il l'a sauvé de l'enterrement que lui faisaient subir les gens dans la période anti-islamique. Lorsqu'on leur annonçait une fille, ils étaient tristes et ils les enterraient vivantes. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé celui qui s'attriste lorsqu'on lui annonce que son enfant né est une fille. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés du fait qu'ils s'attristaient et qu'ils s'interrogeaient, allaient-ils ou bien est-ce qu'ils allaient l'enterrer vivante ou ils allaient la garder en vivant dans l'humiliation. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés pour cela. Il nous dit également, selon la traduction des sens de ce verset, et lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée, pour quel péché as-tu été assassinée? Ceci était une pratique dans la période anti-islamique. Allah azza wa jalla l'a blâmé et l'a proscrit. Le prophète, ou bien Na'am, Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui à qui Allah accorde trois filles, il les abrite, il les préserve, s'occupe d'elles, a pitié d'elles, alors le paradis lui revient de droit. Alors le paradis lui revient de droit. Alors un homme s'est exclamé, et si c'est deux, ô messager d'Allah? Et il lui a dit, même si c'est deux. Aussi Allah Azza wa Jal a honoré la femme en tant qu'épouse. Il l'a honorée et a élevé son rang. Il nous dit dans son livre, sur la traduction de ce verset, et vivez, ou bien soyez avec elle selon le convenable. Et dans le plus grand rassemblement, lors du pèlerinage d'adieu, le prophète alayhi salat wa salam a fait des recommandations en faveur des femmes et a dit aux hommes, craignez Allah envers les femmes. Il dit dans un autre hadith, faites de bonnes recommandations pour les femmes. Et parmi les grands mensonges qui sont proférés à l'égard de l'islam, le fait qu'ils disent que l'islam contraint la femme à se marier contre son gré, force la femme à se marier contre son gré, et ceci est un mensonge évident. Ceci est un mensonge évident. Dans le recueil de l'imam Abu Daoud, rahimahullah, Abdullah ibn Abbas nous dit qu'une jeune femme est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam et l'a informé que son père l'avait mariée et qu'elle n'agrée pas ce mariage. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, si tu le souhaites, j'annule le mariage, et si tu le souhaites, tu pourras rester avec ce dernier. Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas acquiescé cela, ne l'a pas validé, mais il a montré qu'elle avait le choix d'accepter ou non. Donc voici un mensonge proféré à l'égard de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam montre que le meilleur des hommes est le meilleur avec sa famille, et il nous dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec son épouse ou sa famille, je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Sachez également qu'Allah Azza wa Jal a honoré la femme en tant que mère et il a exposé les nombreuses difficultés qu'elle subissait pour mettre au monde l'enfant avant cela et après cela, afin que les enfants se montrent reconnaissants et bienfaisants envers leurs parents. Allah Azza wa Jal nous a enjoint dans le Coran la bienfaisance envers pères et mères, et il nous dit que la mère a porté l'enfant peine sur peine et qu'elle l'a accouché avec grande peine et que son sevrage a lieu en 30 mois. Dans le Coran, dans l'histoire de Isa, il nous mentionne ce qu'Allah lui a recommandé, ce qu'Allah lui a enjoint, la prière, la zakat, tant qu'il sera vivant, ainsi que la bienfaisance envers sa mère. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, au messager d'Allah, qui est le plus en droit à ma bonne compagnie? Il lui a dit, ta mère, ensuite ta mère, ensuite ta mère, puis ton père. Voici comment l'islam a honoré cette femme en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant que mère. Et c'est ce Seigneur immense, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a préservé, qui lui a accordé ses droits, qui l'a mentionné dans le Coran, qui l'a orienté et ne l'a pas délaissé. Et il lui a promis, de par sa foi, un paradis vaste comme les cieux et la terre, et un pardon et une énorme et récompense comme il nous le mentionne dans le Coran. Allah Azza wa Jal a préservé cette femme et nous a interdit de lui nuire. Et il a annoncé à ceux qui nuisent aux croyantes un péché immense. Un péché immense et de grande menace. Allah Azza wa Jalla interdit de l'accuser dans son honneur. De l'accuser dans son honneur. Et il nous dit que ces derniers auront un châtiment douloureux. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a créé, qui l'a honoré, qui l'a élevé et préservé, celui qui lui a accordé sa subsistance et l'a orienté de par ses paroles, de par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui lui a ordonné le port du hijab, et celui qui lui a ordonné le port du hijab dans plusieurs versets du Coran. Et tu trouves de nos jours des ignorants prétendre qu'il n'y a pas la mention du hijab dans le Coran, et ceci est un mensonge évident et une ignorance flagrante. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, qulli azwajik, dis à tes épouses, wa banatik, à tes filles, wa nisa'il mu'mini, et aux femmes croyantes, yudunina alayhinna min jalabibihin, qu'elles se recouvrent de leur djilbab, qu'elles se recouvrent de leur djilbab. Aussi Allah Azza wa Jal nous dit, lorsque vous avez une chose à leur demander, demandez-leur de derrière un voile. Et ce voile n'a pas mis en marge de la vie ni de la société la femme. Bien au contraire, les femmes sont venues voir le prophète alayhi salat wa salam et lui ont dit, ô messager d'Allah, les hommes nous ont battus, ils ont pris tout ton temps. Ne vas-tu pas nous accorder de ton temps? Et en effet, le prophète alayhi salat wa salam leur a donné un jour dans la semaine où il leur venait et leur enseignait et les exhortait. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit que la personne est éprouvée dans sa, à hauteur de sa piété, à hauteur de sa religion, à hauteur de sa droiture. Les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui se rapprochent d'eux, puis ceux qui se rapprochent d'eux. Plus la personne est ferme dans sa religion, plus elle sera éprouvée. Et plus elle est faible dans sa religion, moins elle le sera. Donc on s'enjoint mutuellement la piété, la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'endurance sur le chemin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et on demande à Allah de nous préserver ainsi que les femmes croyantes et qu'il repousse de nous et d'elles tout le mal. Wallahu a'lam wa sallillahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين Et comme vous le voyez, le bleu, il y a beaucoup de personnes dehors, donc faites-leur de la place pour la prière. Et cela nous rappelle le projet de la construction de la mosquée, des pensées afin que tout le monde puisse prier dans les meilleures conditions. Walhamdulillah.